Pavillon et Bas-Dufour d'Allemand. Pourquoi qu'on parle des Lynx et Pavillon et Bas-Dufour? Parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs de Dolbeau, mais ici, il y en a 5 qui participent, qui sont sur l'équipe qui est dirigée par l'instructeur-chef Patrice Boudreau. Question, c'est un match important en fin de semaine pour les Lynx. On le rejoint Allemand. Salut Patrice! Patrice, d'accord avec moi que c'est un match extrêmement important pour les Lynx en fin de semaine? Oui, tout à fait, effectivement. C'est un match pour la première position. OK. Il reste seulement 2 matchs en saison régulière, donc oui, ils deviennent tous... OK. Là, j'ai bien compris l'équipe, parce que j'ai parlé avec un parent, l'équipe qui gagne ce soir ou vendredi a des chances d'aller au bol d'or, c'est ça? Non, on n'est pas encore rendu. OK. L'équipe qui gagne, qui va gagner vendredi, l'une des deux équipes, ben, il va pas mal être sûr de finir premier. Pour ce qui est du bol d'or, il reste encore beaucoup de matchs. Il reste une demi-finale de division. Okay. Il reste une finale de division, puis il reste une demi-finale provinciale. OK, OK. Donc, on a des bons gens. Et l'équipe cette année, ça ressemble à quoi? C'est une équipe qui est forte offensivement, défensivement. À quoi ressemble l'équipe des Lynx? Ben, depuis les 2 dernières années, l'identité de notre équipe passe vraiment par la défense. OK. L'an passé, on avait une offensive très jeune qui est beaucoup plus mature cette année. Mais effectivement, là, je pense que c'est de la défensive qui prend le premier plan, comme le montrent nos statistiques. Seulement, je pense qu'on a 8 ou 10 points d'accordés depuis le début. Ouf, c'est vraiment, vous avez vraiment une défensive dominante. Allez, parle-moi, le football est en perte de vitesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Ligue civile n'existe plus. Est-ce que c'est encore difficile de recruter des joueurs? Non, je pense qu'il y a encore des joueurs. Il y a encore de très bons joueurs. Il y a des endroits qui sont en restructuration du okay. programme. De là à dire que ça va très mal, non, je pense pas. Notre région produit son lot de joueurs à travers tout le Québec à toutes les années. Sauf qu'on peut parler d'écoles qui se réorganisent un peu, qui sortent d'une non-identité. Il y a effectivement eu un creux de vague au niveau de la clientèle dans certaines écoles. C'est sûr que quand tu fais du football, là, on parle d'un sport de masse. Donc, ça devient extrêmement important d'avoir au moins une vingtaine, 25, 30 joueurs sous ta main là, pour être capable d'entamer une saison. Donc, c'est pas comme une équipe de hockey ou une équipe de basket. OK. Évidemment, la raison de mon appel, je vais être avec toi, je ne suis pas beaucoup les Lynx ou les Bas-Dufour, à vrai dire, pas du tout. Sauf que j'ai ça à travers les branches qu'il y a 5 joueurs de Dolbeau-Missassini et de la MRC Mario Chapdelaine qui sont avec les Lynx. Et c'est vraiment la raison de mon appel. Entre autres, il y a William Saint-Pierre, qui est le garçon de Yannick Saint-Pierre que tout le monde connaît de Dolbeau-Missassini. Et je pense que William fait partie vraiment de la pierre angulaire de ton équipe, hein? Ben, je pense que tous les joueurs du Haut-du-Lac jouent un rôle de premier okay. dans mon équipe. On peut parler d'Alex Voisin, ouais. de la position de cadre, qui c'est vraiment pas évident pour un jeune d'apprendre cette position-là, puis de jouer sur une base régulière, puis de la faire très bien. William joue à la position de demi-défensif, mais on l'utilise à beaucoup d'endroits. Sa vitesse est vraiment intéressante. Philippe Veilleux, qui est un jeune qui a été avec très longtemps avec Team Québec cette année en tant que lineman défensif, fait une très bonne. C'est un pilier défensif pour nous. Notre offensive est très forte. Ensuite de ça, Philippe Lavoie a gagné la recrue de l'année chez nous l'an passé dans les Méritages. Et Mathias Adams, qui était une recrue, qui voit de plus en plus de terrain et qui est en train de faire ça. OK. Mathias, c'est ses parents avec moi en passant. Donc, vraiment, c'est un gars qui a un bon physique, hein? Effectivement. Il a un bon physique. Puis, c'est un gars qui est fort naturellement. OK. Donc, lui, il faut qu'il développe. Il va falloir qu'il développe de la puissance pour ses départs pour être plus explosif. Et je pense que ça va faire du bien jouer. OK. Es-tu confiant de voir ton équipe aller vraiment aux grands honneurs? C'est sûr, première position, c'est sûr que l'équipe est quand même bien rodée. Confiant de voir ça? Confiant, oui puis non. Écoute, on est allé en 2010, on l'a gagné. Ça fait 5 ans. Alors, j'ai un très bon groupe de jeunes, mais il peut tellement arriver plein de choses basse. Et il peut tellement arriver plein de choses avec les jeunes adolescents. OK. Ça ça prend un mauvais match, ça prend deux, trois mauvaises punitions, un revirement, puis le match va de l'eau bord, puis c'est la saison terminée. Ouais. Dans les éliminatoires, c'est comme ça. Donc, on se doit d'être concentré, d'être discipliné. Puis ça, c'est pas évident de demander aux jeunes de tenir le focus sur ces petites choses-là tout le temps. Mais ils le font très bien à venir jusqu'à date. Donc, il faut prendre les matchs un par un, puis les quarts de jeu pendant un match un par un, puis faut vraiment les éduquer comme ça. OK. Ben, Patrice Boudreau, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est un match important fin de semaine, puis au plaisir de se parler. Ben, merci beaucoup. Ça m'a voilà l'instructeur-chef des Lynx de Wilbrod-Dufour, Patrice Boudreau.